La belle découverte, 18h-18h30. Bonjour et bienvenue dans La Belle Découverte. Nous sommes ensemble de 18h à 18h30 sur Radio Fadjet. Je vous propose qu'aujourd'hui, on découvre ensemble l'album de The Skins qui s'appelle FM, qui est sorti le 9 mars 2015 sur le label Easy Star Records et sur Baco Records pour la France. The Skins est un groupe de l'Est de Londres qui ne cesse de faire parler de lui, et c'est encore Elian qui en parle le mieux. The Skins, comme son nom le laisse présager, est donc un groupe anglais de reggae et de ska principalement, mais bon, leurs influences musicales sont assez multiples, elles rejoignent sur certains aspects aussi le punk. À l'origine, c'est un groupe de 4 potes de l'Est londonien qui s'est créé en 2005, et entre leurs heures de cours, ils se produisent dans différents bars et pubs de la ville de Londres, dans l'Est londonien plus précisément. Leur histoire aurait pu juste arrêter là et à leur petite notoriété assez locale, mais c'est en 2007 que de nombreuses radios locales les repèrent et les font connaître, et dès lors ils vont commencer à se faire vraiment un nom sur la scène londonienne et multiplient les concerts, ce qui va leur donner une notoriété nouvelle et va leur permettre de signer un premier EP en 2008 sur le label Do The Dogs et de faire la première partie de la tournée des King Blues. Dès lors, leur nom commence vraiment à être très connu et très apprécié sur la scène underground. Ils enchaînent ensuite les festivals à travers l'Europe durant tout l'été. Et fin 2009, ils enregistrent leur premier album, Live, Bless, Build and Believe, ce qu'on pourrait traduire par « Vie, respire, construit et espère », traduisant assez bien leur philosophie de vie et leur style musical. La même année, ils participent au festival punk londonien City Invasion et commencent même début 2010 à être diffusés sur la BBC One. C'est donc la consécration radiophonique pour The Skins. C'est peut-être d'ailleurs de cette diffusion sur la BBC One qu'ils font l'hommage d'un album qui serait en fait simplement piraté depuis une radio elle-même pirate. C'est le concept de cet album qui s'appelle FM. Et ça rejoint bien aussi leur début, puisque c'est grâce à des radios locales et des radios associatives qu'ils ont pu se faire connaître sur la scène londonienne. Voilà, je crois qu'on a percé un mystère. Mystère, je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils enchaînent encore les spectacles un peu partout en Europe avec les plus grands groupes de reggae, de punk et de ska de toute la scène internationale. Ils accompagnent notamment le groupe Real Big Fish lors de leur tournée européenne, c'était en 2012. La même année, ils ont utilisé la technique du crowdfunding pour financer leur nouvel album Part and Parcel, c'était sur le label Bomber Music. Et c'est d'ailleurs sur cet album qu'ils ont enregistré le titre Ratatat qu'on va écouter dans un instant. You could be a little better, but the other better friend of me said that I know you can get a life and no other hearing knocking on your door, whether it's tap tap. I know with a bit of control, you could be a little better, but the other better friend of me said that I know you can get a life and no other hearing knocking on your door, whether it's tap tap tap tap tap tap. 'Cause I'm looking at some mustard, but I like a mustard, I know I like a bone man, set like I have seen, take away my life, man, take away my life, man, get the money, I know when you see me, you treat me, look up as a meat, just a DVD, 'cause if you see, I'll see, and I will be gassy, 'cause I lost my last name, run around for your sake, so I'm gonna get nasty. I'll blame it on myself. I've been going so crazy for maze, and I wait for today's better land to be sleeping in hell. Like a fragment climbing back into my shell. And it's late that you're making me change. I became it and raised up top, but I ain't. And I saw it got top, but I'm blaming myself. Long stop feeling pain from my girl. Mom, dad, and I wait for the world for a minute. Burn to the weight of the world that I live in. And I don't wanna give it, but honestly, I'm finished. And the quality diminished. And I'm feeling kind of sick and shook line. And single life bitches. Never took time, I did my three wishes. Dug it online and keep myself singing. Could say that I scored, I ain't winning, but mate, that's winning, innit? I'm not afraid to die. La belle découverte, 18h-18h30. Nous sommes de retour dans La Belle Découverte et nous venons d'écouter la chanson Ratatat, l'une des plus connues du groupe The Skins dont nous venons de faire la biographie. Alors Elian, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur l'histoire du groupe ? Bah rien de plus, ils ont continué leur petit bonhemme de chemin et ce qui leur a permis cette année, donc en mars 2015, de sortir un nouvel album intitulé FM qui est sorti cette fois-ci sur le label Soulbeats. Bon bah merci beaucoup Elian pour ces informations sur l'origine de The Skins. Moi ce que je te propose c'est de faire un point sur l'origine du ska. Alors le ska c'est un style qui se crée en Jamaïque à partir du mento et du calypso, c'est de la musique folklorique de l'île, donc de la Jamaïque. Des groupes comme les Toots ou les Skatalites sont les précurseurs de ce style qui fera naître le reggae. Notons quand même que le ska conserve plutôt bien puisque même avec un line-up différent, les deux groupes tournent encore. La Jamaïque dépend du Royaume-Uni, vous vous en doutiez si vous saviez que le père de Bob Marley était blanc et venait d'Angleterre. Je vous passe directement l'époque du rocksteady, hein, ça saccade encore plus la rythmique que le ska, pour en arriver directement au ska anglais. En effet, la migration vers le vieux continent est aussi musicale. The Specials, qui tournent encore également, sont les précurseurs du two-tone et popularisent avec Madness et aussi un peu les Clash, le ska en Angleterre, aux côtés du punk. Au niveau musical, je vous propose cette petite expérience. Le reggae au niveau rythmique, c'est ce style de musique. Alors que le ska, lui, donnerait plutôt celui-ci. Voilà ce que ça peut donner très grossièrement, mais rassurez-vous, The Skins font les deux à merveille, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va écouter tout de suite, The Skins avec Forest for the Trees. For the tree, yeah, forest. La belle découverte, 18h-18h30. Nous sommes de retour dans l'émission La Belle Découverte consacrée à Duskint aujourd'hui qui nous sort l'album FM, enfin plutôt qui est sorti le 9 mars. Nous venons d'écouter la chanson Forest for the Trees et on a remarqué une petite flûte sympa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Anthony ? Bah oui, effectivement. Alors la présence de la flûte, elle est complètement là pour apporter ce petit côté champêtre en fait. Le petit motif de la flûte, ça rappelle un peu la forêt comme ça. Ça fait très les animaux de la forêt, tu oui, vois. Complètement. La flûte a toujours été représentative un peu de ce côté champêtre un peu forêt. Par exemple, si on pense au prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy où la flûte est super prédominante, c'est elle qui a le motif principal quasiment tout le long de la pièce. Il y a vraiment cet attachement de la flûte au petit côté champêtre et puis là on est complètement dans la thématique et c'est plutôt assez bien réalisé. Alors moi j'ai une question extrêmement simple, qu'est-ce que c'est comme flûte ? Alors c'est une flûte traversière, donc la flûte qui on joue à l'horizontale, la flûte en métal argenté, et c'est la flûte qui est présente dans tous les orchestres symphoniques, il y a rarement de flûte à bec ou de choses comme ça, c'est la flûte traversière qui est la reine des flûtes on va dire. D'accord. Alors mis à part cette flûte, il y a beaucoup d'arrangements assez sympathiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut noter ? D'une part, une vocalité qualitative, parce que dans le reggae, c'est souvent des voix assez saccadées, un peu qui partent dans tous les sens aussi. Là, on peut noter qu'il y a un attachement à la qualité de la voix, et puis avec ces doublures de tierces avec des voix féminines, quand c'est l'homme qui chante, et quand c'est la femme qui chante, encore une troisième chanteuse qui vient encore faire des doubles voix. Et encore une fois, ça apporte cette petite légèreté du côté champêtre, des arbres, un peu planant comme ça, quand on se balade dans la forêt. Mais ça, c'est assez caractéristique justement du groupe The Skints, puisque effectivement, ils sont nombreux à pouvoir chanter. Du coup, ça change à chaque chanson. On retrouve leurs pattes, mais c'est jamais véritablement pareil. À partir du moment où il y a une polyvalence des musiciens, ça apporte un grand nombre de solutions et un grand nombre de possibilités. Du coup, ça donne des albums assez éclectiques et assez complets dans plein de styles différents. On peut quand même noter aussi que soit il n'y a pas de basse, soit elle est très très discrète, alors que généralement dans le reggae, la basse est quand même très prédominante et très importante. La ligne de basse, c'est quasiment presque le seul aspect mélodique avec le chant, alors que là, soit elle joue juste les temps en même temps que la guitare, soit... Il me semble que c'est ça, et en plus, c'est vrai que le reste du temps, sur cet album, elle est très très présente, la basse, alors que là, c'est vrai qu'elle s'efface un petit peu pour laisser, bah, par exemple, la flûte faire la mélodie. Moi, je comprends ça, encore une fois, c'est dans cet esprit de chanson légère, en fait. On va pas mettre une grosse basse qui va nous plomber les oreilles pendant tout le long et justement cet aspect un peu planant de la forêt et ça se rejoint aussi avec un parcours harmonique très simple. Tout un pan de la chanson ça va être sur deux accords, le pan d'après ça va être deux accords différents, enfin un en commun avec le parcours tonal d'avant, mais voilà c'est très très simple donc très léger, donc on peut dire que la thématique de la forêt est complètement respectée avec tous ces éléments. Parce que je le rappelle, le nom de cette chanson c'est évidemment Forest for the Trees et c'est vrai que sur le reggae on a souvent des constructions simples mais pour laisser la basse justement faire tout ce qui est rythmique et là effectivement on a une ligne d'enchaînement relativement simple ce qui permet de différencier le couplet et le refrain et c'est plutôt très bien orchestré. Et ce qui va permettre du coup que ces ponctuations de flûte soient très efficaces et aussi de s'intéresser plus particulièrement à la qualité vocale et l'harmonie entre les chanteurs. Cette chanson Forest for the Trees, on vient d'en parler. Il y a également la chanson This Town qui est en featuring avec Tipa Irie et Horseman qui est assez intéressante musicalement. Bah, en fait, elle va vraiment contraster avec cette chanson-là, Forest for the Trees, parce que d'une part, là c'est la guitare qui va être très peu présente et c'est le piano qui va faire les accords sur les temps et qui va donner la rythmique reggae. Et on a aussi beaucoup d'effets électroniques, un peu de scratch, assez rare pour être souligné en tout cas. Et le chant, instrumentalement en dessous, c'est un peu plus fourni et un peu plus agité. Et ben là on va avoir un chant beaucoup plus déclamé et beaucoup moins chanté, beaucoup moins sur la qualité de la couleur de la voix en fait. Alors cette chanson This Town, on vous la garde pour la fin. Pour l'instant je vous propose d'écouter Friends and Business parce que c'est ma chanson préférée de l'album. On est toujours sur The Skints dans La Belle Découverte, on se retrouve juste après ça. Man, he ran off with the cash, man. Run off with the cash. Wanna, what you say? He ran off with the cash. Nah, man, I can't write, man. Come get the money back, man, and him thing that's down or ram. Don't make the man them fool you. You understand the part that... Friends. business, who do you really know? Belle découverte, 18h-18h30. Nous voilà dans la dernière partie de la belle découverte. Nous venons d'écouter Friends and Business et je voulais vous donner quelques infos importantes sur The Skins, notamment les dates de concert. Alors malheureusement, il n'y en a pas bientôt près de chez nous, même s'ils ont joué le 21 mars à la laiterie à Strasbourg. La prochaine date dans le coin, on va dire, c'est la maroquinerie à Paris, c'est le 28 mars 2015. Pour les plus chanceux, vous pourrez peut-être les voir au printemps de Bourges le 26 avril 2015. Après tout ça, ils partent en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. The Skins, qui sont-ils? On en a parlé en début d'émission avec Elian. Alors il faut savoir qu'au départ, ils se sont connus en 2005, c'était simplement un groupe d'amis du collège, ils ont fréquenté la Woodbridge High School à Londres. Joshua et Marcia, qui sont les deux chanteurs principaux, se connaissent même d'avant, puisqu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans. Ils possèdent une deuxième anecdote à leur actif, celle d'avoir fait 160 concerts en une seule année. Essayez d'imaginer le rythme de vie que ça représente. On a parlé de Marcia Richards, justement, qui est la chanteuse. En plus du chant, elle fait le clavier, le saxophone alto, le melodica, ce petit instrument dans lequel on souffle et qui a un clavier de piano, la flûte, ainsi que la guitare. On peut vraiment dire que c'est une musicienne multi-instrumentiste. Le batteur lui-même possède la particularité d'être chanteur. Leur dernier album, celui qu'on décrit aujourd'hui dans la belle découverte, est produit par Prince Fatty, et c'est avant tout un concept dont les titres seraient extraits de 103.skins, une radio pirate fictive. On y retrouve des interludes de DJ et d'animateurs, mais aussi tous les styles chers au groupe, et cette chanson que l'on va écouter tout de suite, qui est un featuring avec Tipa Harrié et Horseman. Cette chanson, c'est This Town, et on la découvre ensemble. London City, I was born in, and you know I love this town, but I can't pick up when she's calling. So rhythm is fun of me to the place that raised me, gave me the up and down, that develop and shape me. You think you run down town with a rap of next sound, there's a rat in at it. Me. I've never been the one to stay in just one place, mine. But I love the music, we do not discriminate, fly. From the mountain tops to an eastern blob, or a tropical Atlanta, catch a nice vibe. But no matter where we go, we leave a London town. Rely on when we rain up in our black speed and turn up and then we're ready for the sound check jam. Sip on a little mom and run a rhythm and sound. Come back in the moon and the way today we racing. All kinds of walk, I catch a town that we are facing. No matter where. The funk of roots of culture, rock and roll, lip up a grime. So I'll take a little trip on the Victoria line, and I'll check for Tipper, I read it down in a Brixton, who band the tracks with a man in the sound like Saxon system. Stepping round town and we see the brethren, Osman, he says, yes, I'm making nice some session. This King's Tipper, Harry and the one last one. The three of we, yes, we are go join us one. So let's get tongue in the and do this boom song. We know them have been playing on them station. Or you'll be seeing me on the television. Everybody stop the foot and everybody raise a hand. You never know that this one's a champion. I want them talking about the place London. Because I really love my London town, through the up and through the down. I've been almost everywhere, but I'm enough to come back here. So much different thing to do, so much different thing to see. It is multicultural now, but I just love it anyhow. Born and raised right here, smoke a joint, drink a beer. No, we now go have no fear, we love this London atmosphere. It is where I am from, it is where I belong. It's the only place for me, for I'm an and my family. London City, I was born in. You know I love this town. Sounds of Skins and Tipper Harrié and the Horseman. Three bad combination. Them style, they are Russian. Fire! London City, I was born. Shape me. Maserati, now the underground don't face me. We back in the road on the way today, we racing. All kinds of clock, I catch a time that we are facing. No matter where we go, we are coming on home. I see Lambini and give me another day, sing. Ah, c'est bon ça, ce scat là, un petit peu à la Shaggy. Je sais pas si vous avez remarqué l'accent jamaïcain. Tipa Airie, que l'on retrouve dans le titre Taser Beam, une chanson aux influences qui ne sont pas sans rappeler UB40. On l'écoute tout de suite. Sound system in your home. Have you got a complaint, neighbor? Maybe you're tired of every sound boy on your street killing you with the wickedest rhythms. The Bass-O-Matic sound system from Boss Audio is the perfect way for you and your household to anti-socially behave yourselves. Voilà, c'est maintenant la fin de cette émission La Belle Découverte. Nous avons été ensemble pendant une demi-heure pour décortiquer l'album de The Skins qui s'appelle FM, qui est sorti le 9 mars sur Easy Star Records et sur Baco Records pour la France. Vous pourrez retrouver cette émission en diffusion la semaine prochaine, c'est-à-dire le 1er avril. Vous pouvez nous retrouver quant à nous sur Facebook ou retrouver cette émission en podcast. À suivre, c'est Aurélie pour Sous Toutes les Cultures, ensuite Romain pour l'émission Archiphonique. On vous souhaite une très bonne journée sur Fadjet.